L'amour aime bien les ruisseaux du printemps, la neige endormie de l'été. L'amour aime bien le berceau d'un enfant, mais l'amour ne m'aimera jamais. L'amour ne m'aimera jamais. Comme un oiseau bleu prisonnier du soleil, on appelait j'ai fait ma prison dans ses yeux, ses yeux. J'ai fait ma prison dans ses yeux. Il en aime une autre qui ne l'aime pas, et ses yeux sont perdus. J'en ai bien du mal à mon cœur, j'en ai bien du mal à mon cœur. L'amour aime bien les ruisseaux du printemps, la neige endormie de l'amour ne m'aimera jamais, jamais. L'amour ne m'aimera jamais.